ça y est, c'est l'heure. La mise, mets-toi en valeur, en valeur. Là c'est chaud dans le club, lève-moi ton tailleur. Et d'ailleurs, reviens me voir quand je serai un peu plus d'ailleurs. D'ailleurs, à croire que celui qui chasse le plus aura une médaille d'ailleurs. Là tu me fais le sign, si t'as le calibre dans le cane, dans le cane. Tu plus le même homme après de ride cocaïne, cocaïne. Ça existe plus, frère, y'a plus de cocaïne. Et oui, ça y est, tu ouvres trop ta gueule, tu fais plus de bruit qu'un KX. Et pour toi, quand j'ai dégaine avec ta dégaine de dingue, genre tu rentres en boîte en TN pour rentrer ta bande de dégaine. D'abord, entrant sur la piste de danse, je leur prends vers, elle veut savoir ce que je pense, me fait croire que c'est une coïncidence, mais je connais son frère, l'incident. Je suis pété, serre moindre, je suis pété, serre moindre. Serre moindre, ce soir on finit à l'envers. Je suis pété, serre moindre, je suis pété, serre moindre. Serre moindre, ce soir on finit à l'envers. Je suis posé à la table, c'est moi, je suis ailleurs, ailleurs. Je bois 2-3 verres et je vais te foutre le fire, fire. Même en buvette, je reste à l'affût du Pfizer, Pfizer, Pfizer, Pfizer, Pfizer. J'échange des regards avec l'ennemi, l'ennemi. Je me sens frais, plus t'es par le bel mythe, bel mythe. Point VIP, tu me fais le boss, j'ai un glaçon, je t'insulte en mode. J'ai rien connu, je te fais un truc de fou, t'embrouille avec my bud. Je suis avec mes causes, elle est gratuite la grégouze. Toi tu cotises et cotises pour la partager à 12. J'ai niqué ton coffrage pour ta chemise, tu me fais le parrain. Je crois que j'ai pas vu siffler les verres, tes potes un par un. Tout le monde les met en l'air, met en l'air. Toute la soirée elle faisait la dure, elle a fini les salaires, salaires. Je suis pété, serre moindre, je suis pété, serre moindre. Serre moindre, ce soir on finit à l'envers. Je suis pété, serre moindre, je suis pété, serre moindre. Serre moindre, ce soir on finit quand à l'envers. Quand je suis posé à la table, c'est moi, je suis ailleurs, ailleurs. Je bois 2-3 verres et je vais te foutre le fire. Fire, même en buvette, je reste à l'affût du Pfizer. Pfizer, Pfizer, Pfizer, Pfizer. J'échange des regards avec l'ennemi, l'ennemi. Je me sens frais, puis c'était par le belle mythe, belle mythe. Pourquoi tu me regardes? J'suis tellement bleu poteau que je connais même plus mes limites. J'suis sûr, mais garde, je reste dans mon coin timide. Trop de gens parlent, me foutent les nerfs, je me suis fait seul, y'a personne qui m'imite. J'suis personne, mais jugez pas. J'sais que tout va si vite, une grigousse t'es recherché, tu peux rentrer sur un contrôle civil. Pourquoi tu me regardes? J'suis tellement bleu poteau que je connais même plus mes limites. J'suis sûr, mais garde, je reste dans mon coin timide. Trop de gens parlent, me foutent les nerfs, je me suis fait seul, y'a personne qui m'imite. J'suis personne, mais jugez pas. J'sais que tout va si vite, une grigousse t'es recherché, tu peux rentrer sur un contrôle civil. Quand j'suis posé à la table, c'est moi, j'suis ailleurs, ailleurs. J'bois 2-3 verres et j'vais te foutre le fire, fire. Même en buvette, j'reste à l'affût du Pfizer, Pfizer, Pfizer, Pfizer, Pfizer. J'échange des regards avec l'ennemi, l'ennemi. J'me sens frais, plus t'es par le belle mythe, belle mythe.